L'administrateur général du groupe d'investissement général de l'Italie, Giancarlo Elia Valori, qui avait visité la Corée, a exalté les grands hommes d'Ektusan. Il a dit « Le président Kim Il-sung est le grand homme du XXe siècle reconnu par le monde. Il a remporté de brillantes victoires dans deux guerres révolutionnaires, le relèvement, les révolutions sociales de deux étapes et l'édification du socialisme. Le général Kim Jong-il a continué invariablement les idées et œuvres du président Kim Il-sung. Grâce à sa direction imminente de Sun Gun, le peuple coréen a pu remporter les victoires dans la confrontation contre les impérialistes et obtenir de grands succès dans l'édification du socialisme et le domaine des rapports avec d'autres pays. Aujourd'hui, le dirigeant suprême Kim Jong-un, grand homme sans pareil, est à la tête de la révolution coréenne et grâce à lui, la vie révolutionnaire et les exploits mortels des grands hommes sans pareil brilleront à jamais et la Corée deviendra l'unique puissance dans le monde. »